On dirait bien que le diable a pris le contrôle et l'a foutu à la porte. Big up, big up, big up.